sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand nous parle aujourd'hui des Cathares. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Ce n'est pas la version officielle des Cathares et du catharisme que je vous propose aujourd'hui, mais la vision décapante que nous en propose Julien Théry-Astruc. Il a beaucoup travaillé sur le sujet et a des choses étonnantes à nous dire. Et puis à la fin de l'émission, je répondrai à la question de Séverine sur les origines du terme « Hôtel Dieu ». Vous voyez que tout ça est très médiéval. Au cœur de l'histoire, au cœur de l'été, 7 jours sur 7 sur Europe 1. Franck Ferrand. L'appellation tellement fantasmatique, tellement sulfureuse de Cathare, Cathare en grec c'est ce qui est pur, cette appellation moderne a vu le jour essentiellement au 19e siècle. Auparavant, et notamment au Moyen-Âge, on utilisait de tout autre terme pour désigner les adeptes de cette secte ou de cette religion dissidente. On parlait surtout d'albigeois ou de bogomiles. L'inquisition qui les pourchasse parle de bougres, de manichéens. Mais eux-mêmes, me direz-vous, comment se dénomment-ils? Eh bien, ils utilisent le terme de « parfait », également celui de « bons hommes » ou de « purs », justement, ce en quoi l'appellation cathare n'est pas si éloignée de leur propre vision. À l'époque, le mot cathare désignait d'autres hérétiques, selon l'Église, qui, eux, habitaient la Rhénanie. Alors, qui sont les cathares, pour employer le terme désormais consacré? C'est une poignée de dissidents chrétiens, si je puis dire, qui, au XIe, au XIIe siècle, ne se reconnaissent plus dans l'Église telle qu'elle est. L'Église est devenue une institution trop dominante, dotée de trop de richesses. Pour certains, elle est entre les mains de Satan, l'organisateur du mal. L'Église romaine apparaît donc à ces gens comme l'Église du diable. Ils la surnomment la prostituée de Babylone. Ceux qui vont devenir les cathares se mettent donc à rejeter les sacrements de l'Église romaine. Ils refusent le mariage, l'eau du baptême, les huiles consacrées, l'Ancien Testament, l'hostie, qui à leurs yeux n'est pas le corps du Christ, et même la croix, puisque cette croix est perçue avant tout comme l'instrument du supplice contre le Fils de Dieu. Les cathares sont convaincus de professer la véritable religion de Jésus-Christ. Ils ont une doctrine qui se tourne vers l'évangile, surtout celui de Saint Jean, l'évangile de Saint Jean dans lequel l'apôtre insiste sur la nature divine du Sauveur. Ils divisent dès lors le monde en deux parties. Eux seraient plutôt dans le camp du bien, celui de l'esprit, et le reste ce serait le camp du mal. Ce qui n'est pas sans rappeler au moins de loin l'antique doctrine du manichéisme prônée au IIIe siècle par le persan Manès. Pour accéder à la nouvelle communauté, il convient de passer par un sacrement, le consolamentum, qui est un peu l'équivalent cathare du baptême, qui fait entrer les aspirants à la religion nouvelle dans la communauté des parfaits. Ensuite, la vie du parfait est très stricte. Un pater au réveil, un autre avant les repas et le coucher, des prières, la journée et même la nuit. Le régime alimentaire est draconien. Tout ce qui est issu de la procréation, tout ce qui est issu de l'impureté de l'accouplement, en quelque sorte, doit être proscrit. Donc pas de viande, pas d'œufs, même le lait est proscrit, et donc le fromage. En revanche, sont autorisés le poisson, parce que le poisson ne s'accouple pas, enfin. Admettons, le vin, le pain, l'huile, les légumes et les fruits. Les cathares doivent pratiquer plusieurs carèmes dans l'année. Pendant 120 jours environ, ils sont donc au pain et à l'eau. Ils observent également, en tout cas certains d'entre eux, 3 jours de jeûne par semaine. Les parfaits, ceux qui sont devenus tels, sont censés par ailleurs s'abstenir de tout rapport sexuel. Ils font vœu de pauvreté, tout en recherchant évidemment un certain nombre de dons pour faire vivre la communauté. Toutes ces privations donnent évidemment le sentiment d'une ascèse extraordinaire. Ils donnent aussi à ceux qui observent la situation l'impression que les parfaits vivent au ralenti. L'épouse d'un seigneur de la région languedocienne écrit à propos d'un parfait, je la cite, « Depuis fort longtemps, il était assis sur sa chaise, immobile comme un tronc d'arbre, insensible à ce qui l'entourait. » La mission principale des bons hommes est de prêcher. Les parfaits, lorsqu'on les rencontre, sont généralement deux par deux. On les sollicite pour toutes sortes d'affaires. Ils arbitrent des conflits de famille ou de voisinage. Ils font en quelque sorte office de sages et même de grands sages. On les voit parfois participer à des guerres et à des combats. Ils accompagnent leur seigneur sur le champ de bataille. Et les parfaites, pendant ce temps, soignent les malades dans des hospices. Or, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que petit à petit, cette doctrine tellement exigeante et qui va se révéler, en tout cas qui va paraître hérétique, bien sûr, pour les contemporains, cette doctrine gagne une grande partie du Languedoc, qui est une région très prospère, par ailleurs, on y reviendra tout à l'heure. On commence à voir le long des chemins, dans les campagnes, ces parfaits qui portent une longue barbe, de longs cheveux, surmontés, alors tantôt d'un béret, tantôt d'une sorte de toque sur la tête. Ils sont vêtus de bleu foncé, voire de noir. Ils portent à la ceinture un étui de cuir qui contient un parchemin sur lequel est copié l'évangile de Saint Jean. Les prédications lues en langue vulgaire séduisent évidemment de nouveaux adeptes constamment, et l'on voit dans le monde des petites villes, des bourgs, on voit les artisans notamment s'intéresser à cette doctrine, beaucoup de paysans, mais aussi de grandes familles. Dès 1177, Raymond V, le comte de Toulouse, est inquiet justement de la propagation de cette hérésie, comme il le dit lui-même à l'époque, auprès d'un certain nombre de milieux très favorisés. Il prévient les cisterciens. On constate une certaine impuissance à enrayer le mouvement. Et l'Église, qui est directement attaquée, s'inquiète, bien entendu. Tout ça pose un problème politique. Et vous allez voir que ce problème politico-religieux se confond très vite avec des enjeux qui, eux, sont purement politiques. C'est la question de la souveraineté sur l'ensemble du bassin toulousain. Un extrait de Carmina Burana sur Europe 1, composé par Karl Hoff. Europe 1, au cœur de l'histoire, au cœur de l'été. Franck Ferrand. Et cet après-midi sur Europe 1, ce sont les Qatars qui sont à l'honneur. Alors, on l'a vu il y a un instant avec vous, Franck Ferrand, les Qatars apparaissent dans le midi de la France. Ils tentent de s'étendre un peu partout et en direction du bassin aquitain. Au début du XIIIe siècle, toute cette zone géographique devient un enjeu majeur entre le royaume de France et le royaume d'Angleterre. Il ne faut pas oublier que l'Aquitaine est redevenue anglaise depuis un demi-siècle, à l'occasion du mariage, évidemment, d'Aliénor d'Aquitaine, la duchesse d'Aquitaine, avec ancienne reine de France, avec Henri Plantagenet, qui va devenir lui-même roi d'Angleterre. Pendant ce temps, une partie du clergé s'inquiète de la montée de cette hérésie. Il faut dire que les Cathares et ceux qui les suivent passent leur temps à insulter l'Église romaine. Le pape ne peut que réagir. Il y a un nouveau souverain pontife, c'est Innocent III, qui décide de réagir juste après l'assassinat de son légat, Pierre de Castelnau, qui était un moine cistercien, envoyé justement dans la région pour lutter contre l'hérésie. Ce Pierre de Castelnau est tué dans des circonstances extrêmement troubles par un écuyer du comte de Toulouse, semble-t-il. Le comte de Toulouse en question, ça n'est pas le Raymond V de tout à l'heure, c'est son fils, c'est Raymond VI, et lui, semble-t-il, est déjà gagné par l'hérésie. Il va être excommunié et le pape décide à l'été 1209 de lancer une véritable croisade. Il faut dire qu'un peu plus tard, en avril 1215, un certain Dominique de Guzman va venir s'établir à Toulouse avec quelques proches. L'évêque local qui connaît Dominique depuis des années l'autorise à prêcher dans tout le territoire de Toulouse. Au mois de novembre de cette année 1215, Dominique et l'évêque Foulque sont à Rome au 4e concile du Latran, et c'est là qu'avec le pape Innocent III, il projette l'établissement d'un ordre de prêcheurs qui vont devoir lutter en quelque sorte, prêcher contre cette hérésie. Ce sera l'origine de l'ordre dominicain. Je ferme cette parenthèse. Or, à la même époque, dans ces années, tout début du XIIIe siècle, le roi de France va se mêler de l'affaire. Le roi de France, c'est encore Philippe Auguste. Il a évidemment comme arrière-pensée de faire main basse sur ces riches terres de Languedoc qui, depuis quelque temps, échappent à sa souveraineté. Le 1er août 1209, un homme d'une cinquantaine d'années est arrivé près de Carcassonne. Il revenait de Palestine où il avait fait partie des meneurs de la 4e croisade. Cet homme, c'est Simon de Montfort. Il va faire pendant 15 jours le siège de la ville qui est un des fiefs hérétiques. Et avec ses troupes, il s'empare de la cité dès le 15 août 1209. En vérité, cette prise de Carcassonne est le second succès de la nouvelle croisade. Après le massacre et le sac, la mise à sac de Béziers, quelques semaines plus tôt, un massacre dont le légat du pape, Arnaud Amaury, s'était félicité auprès du souverain pontife, je le cite, « Les nôtres n'épargnant ni le rang, ni le sexe, ni l'âge, ont fait périr par l'épée environ 20 000 personnes. La vengeance divine a fait merveille. » Comme il faut remplacer les seigneurs déchus de Béziers et de Carcassonne, eh bien on se partage les dépouilles, si je puis dire, et Simon de Montfort accepte de bon gré le titre de vicomte de Béziers, vicomte de Carcassonne. Désormais, il va falloir aller chercher les hérétiques, comme on les appelle, exactement là où ils sont, c'est-à-dire dans un certain nombre de bastions cathares, dont certains sont de véritables nids d'aigle, très difficiles d'accès parce qu'en altitude et très bien protégés. Dans les mois qui suivent donc, et malgré des effectifs limités, on va voir Simon de Montfort partir à l'assaut d'un certain nombre de fiefs jugés hérétiques. Entre 1210 et 1212, Minerve, où 140 cathares périssent par le feu, Termes, Lavaur, Cassèze, Agen, Moissac, Autrive tombent dans l'escarcelle de Montfort et des barons de France. C'est justement ce qu'il faudra que nous évoquions, c'est l'arrivée massive de tous ces seigneurs du Nord qui viennent tout simplement essayer de récupérer ce qu'ils peuvent dans ce sud passé à l'hérésie, en grande partie en tout cas. Le mode opératoire suit toujours à peu près la même trinité. Un siège, au bout de quelques jours, la prise de la Bastide ou de la citadelle, et puis le bûcher pour les hérétiques qui refusent d'abjurer. Montfort sort évidemment très renforcé de toutes ses victoires, et en 1212, les statuts de Pamiers lui donnent le droit d'organiser l'administration de toutes les terres conquises, y compris les villes, bien entendu, et ce sont les villes que l'on a dans un premier temps visées. Le grand perdant, c'est la noblesse languedocienne, ce sont les barons du Languedoc, à commencer par le comte de Toulouse, Raymond VI, qui pourtant s'était réconcilié avec l'Église au début de la croisade. Il a passé son temps à passer d'un camp à l'autre, ce pauvre Raymond VI. Le 12 septembre 1213, au moment de la bataille de Muret, dans une plaine à une vingtaine de kilomètres de Toulouse, de nos kilomètres devrais-je dire, il prend la fuite avec une partie de ses hommes, il n'a pas vraiment combattu. Le principal allié du comte de Toulouse, c'est le roi d'Aragon, Pierre II. Il a été tué dans cette circonstance. Et deux ans plus tard, en 1215, on voit Raymond VI dépossédé de la plupart de ses domaines par le 3e concile de Latran. Montfort, qui vient d'entrer à Toulouse, récupère les terres et il devient à son tour le comte de Toulouse. C'est quand même extraordinaire d'imaginer ça. C'est-à-dire que le chef même des croisés, avec des guillemets, ce chef-là devient le comte de Toulouse. Simplement, Simon de Montfort va commencer à déchanter. Il subit une première défaite au moment du siège de Beaucaire. En 1217, on voit Toulouse lui échapper. Raymond VI récupère Toulouse. Donc Simon remet le siège devant la capitale du Languedoc, quitte à prendre des risques. Et le 25 juin 1218, alors qu'il approchait peut-être un peu près des défenses adverses, il va recevoir cette fameuse pierre qui lui fracasse le crâne. Une pierre lancée du haut des murs ennemis, bien entendu. Simon de Montfort s'écroule. Il ne va pas tarder à mourir et les croisés complètement désemparés vont lever le siège de Toulouse. À ce moment-là, on peut dire que l'hérésie albigeoise, pour parler comme le pape, est loin d'être éradiquée. Bien au contraire, la doctrine a gagné une grande partie de la Provence. Le tournant intervient en 1222, puisque ça c'est l'année de la mort de Raymond VI. L'année suivante arrive sur le trône de France Louis VIII, le fils de Philippe Auguste. Avignon, Nîmes, Carcassonne, le Toulousain passe sous l'autorité du roi de France. Et le 11 avril 1229, Raymond VII doit signer le traité de Paris qui marque la fin de la croisade. Est-ce que c'est la fin des persécutions contre les Albigeois ? Oh non, pas du tout. Sur Europe 1, au cœur de l'histoire, au cœur de l'été. Reviens dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire, au cœur de l'été. Franck Ferrand. Et cet après-midi sur Europe 1, nous sommes au cœur de l'histoire du Moyen-Âge. Nous sommes sur la route des Cathares et de leurs héritiers que vous nous faites découvrir, Franck Ferrand, avec une étape historique assez importante. Ce traité de Paris qu'a signé Raymond VII en avril 1229 donne en mariage sa fille unique, Jeanne, à un frère du nouveau roi, celui qu'on appellera Saint-Louis, Louis IX. Son frère, c'est Alphonse de Poitiers, bien entendu. Et ce prince Alphonse va jouer un rôle absolument essentiel désormais, bien entendu, puisque c'est lui qui va devoir gérer toutes ces provinces. Le Raymond VII a cédé quand même tout le Bas-Languedoc, c'est-à-dire Carcassonne, Beaucaire, etc., au roi de France, ou plus exactement à son frère. Lui a quand même gardé le Toulousain, l'Agenais, le Rouergue, une partie de l'Albigeois, mais à quelles conditions ? Malgré ces 20 longues années de croisade, les Cathares restent puissants dans la région. C'est ça qui est assez extraordinaire. On peut dire que la couronne de France est bien décidée, avec l'appui de la papauté. Mais c'est quand même, ce sont les barons de France qui sont là à l'œuvre. Ils sont bien décidés à éradiquer ce qu'on considère comme une hérésie, ce catharisme. Le pape crée des tribunaux pour juger, pour condamner, pour convertir les hérétiques. C'est d'ailleurs la première mission qu'il leur est confiée. Ça va être la naissance de l'Inquisition, tout simplement. Toute maison désormais où on trouvera un hérétique sera rasée. Et ce qui est plus étonnant, c'est qu'on confisque toutes les terres, bien entendu, qui vont avec. Il faut dire qu'il y a urgence. D'après les enquêtes menées par les premiers inquisiteurs, on a recensé encore un millier de parfaits, c'est-à-dire de sages de cette église ou de cette secte qui ne cesse de faire des fidèles dans la région. Les tribunaux de l'Inquisition commencent à fonctionner. Il est assez difficile de faire confiance au comte de Toulouse qui, en vérité, fait un peu comme son père. Il passe son temps à faire constamment volte-face. Il s'est engagé à combattre l'hérésie, mais finalement, devant l'assaut des barons de France, il décide surtout de s'opposer au roi Louis IX. En mai 1242, vous voyez qu'on a fait du chemin depuis 1209, les inquisiteurs logés dans le château d'Avignonnet, qui est une propriété du comte de Toulouse, et qui sont jugés coupables d'avoir perpétré un massacre à Lavaur, sont assassinés. Ils sont assassinés dans leur sommeil à la hache par un bailli de Raymond VII. Ça, c'est une nouvelle déclaration de guerre. Raymond VII va quand même changer de camp. Il se range sous la bannière de Louis IX et promet d'exterminer les derniers hérétiques. Où sont-ils, ces derniers hérétiques ? Ils sont dans le célèbre village de Montségur, bien entendu, à plus de 1200 mètres d'altitude. On est sur les contreforts des Pyrénées. C'est un château fort extraordinaire qui appartient à un vassal du comte de Foix. Et à Montségur se trouvent les derniers grands fidèles, si je puis dire, de la religion cathare. Raymond VII n'est pas très motivé pour aller mettre le siège devant Montségur. C'est le sénéchal de Carcassonne qui va profiter d'une de ses absences pour réunir une armée de 7 à 8 000 hommes et aller à l'assaut de Montségur, dont la résistance, du reste, n'est pas très forte. Les troupes du sénéchal investissent d'abord la montagne, elles occupent le village, et puis, une nuit, alors qu'un orage menace, eh bien, elles investissent la forteresse, ce qui fait qu'à l'aube du 17 mars 1244, la forteresse de Montségur est livrée aux troupes royales. On peut dire que dès lors, l'étau se resserre autour des cathares. Les seigneurs font un à un allégeance au roi Louis IX. Alphonse de Poitiers, son frère, n'a qu'une ambition, faire en sorte que le comté de Toulouse soit rattaché le plus vite possible au royaume de France. Et au printemps 1255, le dernier bastion armé des hérétiques, c'était le château de Quéribus, un endroit vraiment difficile à assiéger, peut-être plus encore que Montségur. Ce dernier bastion est perdu pour les cathares. Quelques années plus tard, en 1271, le comté de Toulouse, c'était vraiment le but que s'était fixé la couronne de France. Et évidemment, ce comté est annexé au royaume de France. Et alors, les derniers parfaits vont devoir s'enfuir, vont devoir se cacher. Ils sont traqués par l'Inquisition, bien entendu. On en voit qui vont s'installer de l'autre côté des Alpes, en Lombardie. On va voir d'où naît l'hérésie vaudoise, hein, qui fait partie des héritages du catharisme. Quant aux cathares eux-mêmes, ceux de notre région de Languedoc, on va les voir progressivement disparaître en 1311, on est quand même tard là, et brûler à Carcassonne un certain Pierre Autier après avoir lancé « S'il m'était permis de prêcher, je convertirai tout le peuple à ma foi ». Le dernier cathare à périr sur le bûcher, c'est Guilhem Bélibaste, et on est là en 1321. Ceux qui n'ont pas pu être arrêtés vont mourir dans leur coin, si je puis dire, et c'est l'extinction de cette hérésie qui, vous l'aurez compris, aura sans doute un peu menacé l'Église romaine, mais aura surtout beaucoup bénéficié dans ses ultimes conséquences au royaume de France. Bonjour Julien Théry Astruc. Bonjour. Je suis ravi que vous soyez là pour éclairer notre lanterne sur un sujet particulièrement confus, car on a énormément dit et écrit non seulement sur les cathares, mais sur tous leurs héritiers, et ce sont d'ailleurs ces héritiers qui nous intéressent plus particulièrement. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Sur Europe 1, Franck Ferrand continue de nous parler du catharisme, cette religion médiévale qui s'inscrit dans le christianisme. On plonge au cœur du 10e et 12e siècle et la suite, c'est juste après Lou Reed sur Europe 1. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked her way across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. Once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. went to the Apollo. You should have seen them go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. She said, hey, babe, take a walk on the wild side. I said, hey, honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. Walk on the Wild Side, à l'instant sur Europe 1, un souvenir signé Lou Reed. Europe 1, au cœur de l'histoire, au cœur de l'été, Franck Ferrand. Les Qatars et leurs héritiers, voilà l'émission que vous nous proposez cet après-midi sur Europe 1, Franck Ferrand. Et vous recevez Julien Théry Astruc, archiviste, paléographe et professeur à l'université Lumière de Lyon. Alors ce que vous me disiez, Julien Théry Astruc, c'est que en vérité, le terme même de Qatar, les historiens s'en méfient beaucoup aujourd'hui. On ne l'emploie plus dans les cénacles autorisés, si je puis dire, et dans les colloques ou dans les ouvrages sur le phénomène des Qatars. C'est vrai, aujourd'hui, les historiens évitent d'utiliser ce terme, puisqu'il a été utilisé un petit peu, pas beaucoup, au Moyen-Âge, mais jamais pour désigner des dissidents, des contestataires du Midi. Et même le terme de parfait semble être, me disiez-vous, remis en cause. Oui, on évite aussi d'utiliser parce que il s'agit de la traduction du terme latin perfectus, qui est un adjectif et qui, dans les textes, dans les documents inquisitoriaux par exemple, vient toujours pour qualifier hérétique. C'est qu'un adjectif. Voilà. On dit hérétique parfait. Perfectus serait sans doute mieux traduit par accompli, total, complet, irrécupérable. Donc en fait, quand on dit hereticus perfectus, ça veut dire un hérétique irrécupérable, et donc ça n'a rien à voir avec la pureté de l'individu en question, voilà. Loin de là. La confusion possible, c'est de s'imaginer que ce terme, en fait, était utilisé par les intéressés eux-mêmes pour mettre en avant leur pureté de vue chrétienne. Ils s'appelaient bons hommes. Alors, entre eux, ils s'appelaient les bons hommes, oui. Et leurs croyants, ceux qui les protégeaient, ceux qui avaient recours à leur médiation religieuse, les appelaient les bons hommes ou les bonnes femmes. Alors, dans un instant, on va venir, bien entendu, à toute la suite, et j'aimerais évidemment qu'on parle de l'héritage des Qatars en quelque sorte. Mais avant cela, venons peut-être à quelques éléments de confusion. Très souvent, on laisse entendre qu'il s'agit d'une secte. C'est pas vraiment une secte constituée, en tout cas pas dans les premiers temps. Voilà, il faut vraiment repérer en fait une grande flexure et distinguer entre ce qui se passe avant les événements que vous avez racontés, c'est-à-dire la croisade, puis l'instauration de l'Inquisition et son œuvre de persécution, ce qui se passe donc avant le début du XIIIe siècle. Avant le début du XIIIe siècle, on est en présence de mouvements religieux qui sont à l'écart de l'Église, qui n'intègrent pas un certain nombre de transformations de l'Église qui marquent tout l'Occident, ou en tout cas la plupart des régions de l'Occident. Et on est face à des laïcs qui continuent à vivre leur vie chrétienne en faisant un peu leur tête d'une certaine manière, sans accepter les autorités plus nettement cléricales venues de l'extérieur, et en continuant finalement à suivre les préceptes de ces sages dont vous avez parlé, de ces gens qui ne sont pas clercs, qui n'ont pas été ordonnés, qui ne sont pas nécessairement sous le contrôle d'un évêque ou d'une hiérarchie, mais qui sont respectés par la communauté. Et c'est ça le premier sens du terme bonhomme d'ailleurs. C'est extrêmement intéressant ce que vous dites, parce que ça change complètement la perspective. On n'est plus en face d'une secte constituée. D'ailleurs, entre parenthèses, on serait bien en peine de citer un gourou d'une certaine manière, ou un leader, pour employer une terminologie moderne. On est plutôt en face d'un mouvement plus général et plus diffus de réaction à certaines perditions cléricales, en quelque sorte. C'est ça, de réaction face à certaines transformations institutionnelles qui marquent la vie de l'Église à cette époque-là. Et il faut s'imaginer pas du tout une secte, mais des gens qui vivent au grand jour, qui sont parfaitement intégrés dans la société chrétienne, et même d'ailleurs une forte fluidité entre la fréquentation du culte catholique officiel, des clercs, des prêtres, et puis la sociabilité religieuse autour de ces sages, de ces bons hommes, autour de ces bonnes femmes aussi qui vivent en communauté, un peu comme les béguines plus tard, qui ont des activités de laïcs, mais qui en même temps ont une forme de vie religieuse. Alors, ceux qui accèdent à un état de... Alors, comment est-ce qu'on les appelle, si on peut plus appeler les parfaits d'ailleurs, les bons hommes ou les bonnes femmes. Ouais, ouais, alors, ceux qui deviennent des bons hommes, ces espèces de sages extrêmement purs, qui vont dans un chemin d'ascétisme, en quelque sorte. Ils imitent les évangiles, ils imitent le modèle christique, le modèle apostolique. Quelle est la proportion des cathares qui atteignent ce stade ? Alors on est très mal renseigné sur les détails de ce qui se passe précisément avant la croisade. Parce qu'il n'y a pas de persécution, il n'y a pas d'aveu, il y a très très peu de traces. Et on ne connaît en fait pour l'essentiel que les diatribes des clercs contre ces gens-là, qui sont absolument caricaturales et qui transforment complètement la réalité. Mais c'est-à-dire qu'en fait, on est en face d'un phénomène qui aurait été, si je comprends bien ce que vous nous dites, qui aurait été plus ou moins inventé par l'Église elle-même pour lutter contre ceux qui remettaient ces abus en cause. Et oui, et oui. La qualification d'hérésie elle-même, en fait, vise à criminaliser. Et elle peut recouvrir des réalités qui sont extrêmement variées. Elle est finalement à la volonté de celui qui désigne. Tu es hérétique ou tu ne l'es pas. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ce sont souvent des choses qui sont difficiles à saisir aujourd'hui, très difficiles. L'histoire est écrite par les vainqueurs, en particulier pour une période aussi éloignée où il y a très peu de sources. Et comme il n'y a pas de père spirituel ou de chef de file pour constituer cette hérésie ou ce courant hérétique, il y en a eu très peu, en tout cas, qui se distingue particulièrement, on a l'impression finalement que ce mouvement ne se constitue que par réaction à une persécution, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'à mesure que la papauté, et bien entendu surtout les barons de France, vont venir persécuter les seigneurs du Sud, et bien on va les voir se crisper, en quelque sorte, autour d'un certain corpus de croyances et de pratiques. C'est ça qui se passe ? C'est ça. Et c'est seulement d'une manière assez tardive, à partir des années 1240-1250 au plus tôt, qu'on a des traces de dualisme. Véritablement, c'est-à-dire que l'on sait, d'après certains aveux, d'après certaines confessions, que les bons hommes dans leur prêche opposent un principe foncièrement mauvais qui est celui de la matérialité et un principe foncièrement bon qui est celui de l'esprit. Mais alors les accusations les plus générales, celles de cracher sur la croix, celles de souiller les hosties, etc. Est-ce qu'on peut leur prêter foi? Parce que je finis par douter de tout à vous écouter. Totalement diffamatoire. Et d'ailleurs, elles reprennent, c'est ça qui est assez amusant, des accusations du même genre qui, dans l'Antiquité tardive, a été formulées par les païens contre les chrétiens, à des fins diffamatoires, de la même manière, enfin d'une manière tout aussi diffamatoire. Oui. Donc le pape Innocent III et un certain nombre de ceux qui le conseillent et le soutiennent vont criminaliser ces personnes, ces bons hommes et ces bonnes femmes. Ça a déjà commencé avant eux, avec les cisterciens, en particulier avec l'œuvre de Bernard, Saint Bernard, bien sûr, qui influence beaucoup la papauté. Innocent III a une culture profondément marquée par l'œuvre de Saint Bernard, même si il est d'une génération postérieure. On est deux générations plus tôt. C'est ça, Saint Bernard, oui, Saint Bernard meurt en 153. Et d'ailleurs, c'est à son incursion dans le Midi, pour prêcher contre ces chrétiens peu obéissants à l'Église, qu'on doit le terme d'albigeois, un peu utilisé à l'époque, surtout à l'époque de la croisade, pour désigner les hérétiques de ces pays-là, parce que c'est à Albi qu'il a été le plus mal reçu, près d'Albi à Verfeil en 145. Alors Bernard est le premier à les pointer du doigt. Ouais. Celui qui va les persécuter vraiment, c'est Dominique, en l'occurrence. Alors, est-ce qu'il va vraiment les persécuter? Il va tenter finalement une autre méthode que celle des cisterciens, une autre méthode de persuasion. Non pas par la prédication autoritaire, mais par l'exemple. Contrairement aux cisterciens, à Bernard et tous ses successeurs qui ont fait des missions dans le Midi pour tenter de convaincre les populations de revenir à la raison et à l'obéissance, Dominique, lui, va se présenter non pas comme un grand seigneur, ce qu'étaient les cisterciens, et ce qu'ils ne cachaient pas, hein, ils étaient issus de la très haute aristocratie, il y avait une hiérarchie dans l'ordre cistercien, hein, entre les moines de cœur qu'ils étaient, ceux qui venaient dans le Midi, et puis les converts, hein, qui travaillaient, qui étaient issus, au contraire, de milieux non aristocratiques. Tout cet aspect, si vous voulez, qui décrédibilisait la démarche cistercienne parce que, justement, ces gens-là présentaient un Sylvie qui n'était pas conforme au modèle évangélique, Dominique, lui, va s'efforcer de corriger ça, en quelque sorte, et finalement de faire un peu ce que faisaient les bons hommes. C'est-à-dire de conformer... Se rapprocher lui-même d'un christianisme plus primitif, en c'est fait. C'est ça, de conformer son existence, son apparence extérieure, sa démarche à l'humilité christique et à la pauvreté christique, hein, puisque quand même, l'une des caractéristiques de l'ordre dominicain qui est fondé par Dominique, et qui est absolument révolutionnaire, c'est que cet ordre ne possède rien en propre. Hein. Contrairement au monastère cistercien, il n'accepte pas les dons en terre, ni en numéraire d'ailleurs, il ne vit que de mendicité, comme le Christ. Alors on l'aura compris peut-être au résumé que j'ai pu faire tout à l'heure de la croisade contre les Albigeois et de toutes les persécutions qui ont suivi. Tout ça devient très vite un enjeu politique et territorial et c'est la mainmise tranquille avec le soutien de la papauté des barons de France sur des terres méridionales. Nous y venons dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire, au cœur de l'été. Franck Ferrand. Vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, des Cathares avec votre invité, Julien Théry-Astruc, archiviste, paléographe et professeur à l'Université Lumière de Lyon. Alors, est-ce qu'on peut dire clairement, Julien Théry-Astruc, est-ce qu'on peut dire clairement quel est le rôle de la couronne de France dans cette affaire? Est-ce que, de manière délibérée, Philippe Auguste et ses successeurs ont utilisé la croisade contre les Albigeois pour récupérer le Languedoc? En définitive, oui, il n'y a aucun doute là-dessus. Là où les choses sont plus nuancées, c'est sur la façon dont le projet s'est développé. Au départ, les rois de France sont assez réticents. Le leader dans cette affaire, celui qui mène l'affaire, c'est le pape Innocent III, parce qu'il a ses propres projets politiques. Projet politique de mise en dépendance, dans une large mesure, des pays qui appartenaient jusque-là à la maison de Saint-Gilles. Donc, mise en dépendance de l'Église. Donc, en vérité, l'Église va se faire, dans cette affaire, un peu dépossédée par le roi de France, qui est plus puissant, qui est plus efficace avec ses chevaliers, en fait. Hein. C'est ça. Au départ, les réticences de Philippe Auguste tiennent précisément au fait que cette initiative de la papauté pourrait finalement entériner, valider la justesse, la légitimité de la théocratie. Hein, le fait que le pape serait fondé à intervenir un peu n'importe où, y compris chez les vassaux du royaume de France, hein, dans les provinces du royaume de France, pour finalement y décider de la croisade, de la guerre, et éventuellement déposer des puissances. C'est très dangereux, ça, comme principe, parce que un beau jour, ça pourrait être le roi de France lui-même qui pourrait être victime de ce type de démarche pontificale. Donc au départ, le roi de France est très prudent, assez réticent. Il se fait forcer la main. Il a été sollicité à de nombreuses reprises par Innocent III depuis 1204, hein, pour faire la croisade. Finalement, en 1208, avec l'assassinat de Pierre de Castelnau, la propagande monte d'un cran et cette fois-ci une croisade se fait, mais ce n'est pas le roi de France, ce sont des barons du Nord qui s'y livrent avec l'autorisation du roi de France, mais sans qu'il y participe. Quel est le rôle de Simon de Montfort là? Pourquoi Simon justement? Alors, il a un rôle de premier plan. Les historiens ont bien vu que Simon de Montfort à ce moment-là est un frustré de la croisade qui vient d'échouer quelques dont années il rentre auparavant. Lui-même. Auparavant, hein, c'est ça, ouais. Donc il vient une vraie il rentre croisade lui-même, celle-là, ouais, disons, de la ouais. quatrième croisade, une vraie croisade quoique. C'était une vraie croisade au départ au sens où elle devait libérer la Terre Sainte, mais en fait elle s'est déroutée, voilà, hein, et elle s'est terminée quand même par des massacres de chrétiens, hein, fustigés grecs orthodoxes, à Constantinople. Oui. Et donc il y a un sentiment à la fois de culpabilité, hein, parce que ce sont quand même des chrétiens qui ont été victimes de ces dérapages. Constantinople a été pillée, hein, de manière absolument sauvage, et il y a un sentiment aussi de frustration auprès de ces gens-là, et notamment de Simon de Montfort. Je vais peut-être très loin, mais on pourrait presque imaginer que en luttant contre d'autres chrétiens dans la région albigeoise, Simon de Montfort justifierait d'avoir tué des chrétiens dans celle du Bosphore. Sans doute aussi. Pourquoi pas, finalement. C'est assez étonnant, cette histoire. Alors, on va voir petit à petit les comtes de Toulouse reculer. Il va falloir trois comtes successifs pour finalement qu'ils capitulent devant la couronne de France. C'est ça qui se passe, finalement. C'est ça. Et puis l'investissement progressif de plus en plus prononcé du roi de France, hein, du prince Louis, d'abord son fils, qui devient Louis VIII, et puis qui endosse pleinement la croisade à un certain stade. Comment expliquer que les Anglais ne défendent pas davantage leur Aquitaine, si je puis dire ? Alors, ils ont été pendant longtemps des prétendants à la conquête des terres des comtes de Toulouse. On est dans une période où ils sont pas vraiment en état, pour des raisons de politique intérieure, notamment en Angleterre, de continuer à jouer ce jeu-là et de concurrencer finalement les entreprises françaises. Cela dit, ils vont quand même venir au secours de Raymond VII Raymond VII va faire une sorte de dernier baroud d'honneur à la faveur d'une reprise des hostilités de la part de l'Angleterre, du roi Henri III. Mais aux batailles de Taillebourg et de Saintes, Louis IX va venir à bout de l'armée anglaise, allié au seigneur de la Marche, et puis à Raymond VII, dans une dernière tentative finalement. Alors, l'Inquisition, nous l'avons vu, finit par venir à bout. Alors d'abord les barons de France et puis l'Inquisition sur un plan spirituel vont venir à bout des derniers cathares déclarés. Mais est-ce qu'il en reste secrètement, si je puis dire ? Est-ce qu'il y a une filiation souterraine du catharisme ? Alors ça, c'est ce que voudraient les néo-cathares d'aujourd'hui. Malheureusement, c'est fort peu probable. Il n'y a pas de filiation, il n'y a pas de continuité historique. Cette hérésie-là s'éteint complètement à partir des années 1220, comme vous l'avez dit, avec le bûcher de Pierre Rottier, puis de Guillaume Bellibas, les deux derniers bons hommes. Est-ce qu'il y en a qui survivent ailleurs, si je puis dire? Je parlais des Vaudois tout à l'heure. Il faut peut-être venir sur l'origine de cette autre hérésie vaudoise. La seule hérésie de cette période, du Moyen-Âge central, qui finalement survit aux persécutions, qui va parvenir vivant jusqu'à l'époque moderne, fût-ce dans la clandestinité, c'est effectivement le mouvement vaudois, le mouvement des pauvres de Lyon, tel qu'il s'appelle au début, ou des pauvres du Christ, qui sont traités de vaudois, car c'est une insulte au départ, et qui vont finir par adopter eux-mêmes ce nom-là. Les vaudois vont participer à la réforme au XVIe siècle et finalement s'agréger au mouvement réformé, au mouvement protestant. Il y a encore aujourd'hui une église vaudoise. On sait que Louis XII étudie en leur cas, avant que son cousin François Ier n'écrase complètement les Vaudois. Louis XII avait dit « ils sont meilleurs chrétiens que nous ». Peut-être, justement, y avait-il toujours cette recherche d'une forme de pureté dans l'évangélisme, d'une certaine c'est manière. C'est le principe même du valdéisme. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'on voit, pour la période qui précède justement l'extinction de ce qu'on appelle improprement le catharisme, des confrontations dans le midi entre les pauvres de Lyon, les Vaudois et les bons hommes, les uns traitant les autres d'hérétiques. Alors, ce qui est fascinant, c'est la renaissance, non pas du catharisme lui-même, mais en tout cas du thème. C'est-à-dire qu'on va inventer, en quelque sorte, une religion cathare, mais ça c'est très tard, c'est au XIXe siècle. Et même aussi, dans une large mesure, au XXe siècle. Et plus que de renaissance, on peut, je crois, parler même de naissance, création, en définitive, oui, de création du catharisme à cette époque-là, puisque il n'est absolument pas question de cathare ou de catharisme dans aucune source, mais de la France, avant la fin du XIXe siècle. On n'utilise pas cette terminologie. Pardon d'insister, mais c'est très fort ce que vous dites, est très intéressant. C'est-à-dire qu'on est dans un phénomène historiographique, en fait. Ouais. Et vous dites au XXe siècle, alors moi j'ai en tout cas le souvenir, même si je ne l'ai pas vu évidemment à l'époque où ça a été créé, mais on pense tous à la caméra Explore le temps, ouais, et aux extraordinaires prestations de Jean Topard dans le rôle de Raymond VI de Toulouse. C'était André Castelot qui écrivait les textes de ces deux épisodes très célèbres de la caméra Explore le temps. Ça a joué sans doute dans la popularisation du sujet. Non seulement ça a joué, mais c'est le véritable point de départ d'un engouement de masse pour le catharisme. Donc maintenant, à partir de cette période-là, on peut parler catharisme. Auparavant, dans les décennies qui précèdent, et depuis les années 1880, ça ne concerne en fait que cercles restreints, de mystiques, d'adeptes de l'occultisme. Il n'y a pas du tout cet engouement généralisé. Et surtout, le catharisme n'est pas encore finalement au fondement d'une sorte de roman national occitan, comme il l'est aujourd'hui. C'est ça, c'est devenu une sorte de bannière, en fait, de bannière régionaliste, le catharisme. C'est une sorte de mythe fondateur, oui. C'est ça. Mais cela depuis, en fait, les années 60 seulement. 1960. Ouais, 1960. C'est 1960. Donc extrêmement 1960. Récent. Ouais. On n'imagine pas ce que, finalement, les cathares, si je puis dire, les adeptes aujourd'hui du catharisme doivent à l'ORTF et à l'émission d'Alain Decaux et André Castelot. C'est assez extraordinaire, cette histoire. C'est vrai. Alors, est-ce qu'il y a, en revanche, d'autres formes d'hérésie aux yeux de l'Église qui, depuis le XIVe siècle, se sont rapprochées, alors on a parlé évidemment des Vaudois, mais se sont rapprochées du catharisme. Est-ce qu'on peut discerner des foyers de catharisme, si je puis dire, de néo-catharisme ? du point de vue de l'Église, ceux qui ont pris la succession par excellence des hérétiques médiévaux en général, ce sont les protestants au XVIe siècle. Et pendant cette période, l'Église les compare finalement ces protestants aux hérétiques anciens. Bossuet écrit par exemple une histoire des variations des églises protestantes contre les réformés de son temps, mais dans laquelle il insère à preuve justement des errements, des variations qui démontrent en fait le côté confus et indécis de ces contestations de l'Église catholique. Il y intègre les hérétiques du Midi. Les protestants eux-mêmes identifient à partir de cette époque, et encore pendant bien longtemps, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, il me semble dans bien des cas, ils identifient ces contestations dans les pays du Midi, il se trouve que dans les pays du Midi il y a eu par ailleurs beaucoup de protestants, comme finalement le fait de précurseurs, les premiers moments de leur propre courant chrétien. C'est très intéressant et ça remet les pendules à l'heure, si je puis dire. Julien Théry à ce truc, merci infiniment. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck vous répondra à la question de Séverine. Elle voudrait connaître l'origine du terme « hôtel-Dieu » pour désigner un hôpital. À chaque amour que nous ferons, l'une des chansons extraites du dernier album de Francis Cabrel, In Extremis. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et aujourd'hui, c'est une question pour vous, Franck, qui est signée Séverine. Séverine voudrait savoir les origines du terme hôtel-Dieu pour désigner un hôpital. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un hôtel-Dieu ? C'est un endroit charitable, fondé, contrôlé par un évêque et placé sous le patronage de Dieu, où l'on accueille, alors à l'époque, tous les infortunés, bien entendu, les malades ou les impotents, mais aussi les pauvres, les orphelins, ne les oublions pas, très important à cette époque, les gens plus ou moins invalides, les pèlerins également qui peuvent passer à l'hôtel Dieu. Celui de Paris, bien sûr, est le plus ancien hôpital de la capitale puisqu'il a été fondé, tenez-vous bien, en 651. Voilà un peu d'eau au moulin de ceux qui veulent en défendre la survivance. Les hôtels Dieu ressemblent à des églises. La grande salle commune sert souvent de chapelle, d'ailleurs. Elle est constamment utilisée comme cela. Il existe des ordres hospitaliers, par ailleurs. Alors, je ne vais pas entrer dans les ordres hospitaliers. Et sachez qu'à partir du XIIIe siècle, pour lutter contre les grandes épidémies qui sont en train de s'installer, on pense à la peste, mais il ne faut pas oublier la lèpre aussi, les hôtels Dieu ne suffisant plus, eh bien, on va devoir créer de nouveaux hospices et de nouveaux hôpitaux. Le mouvement se poursuivra au XVIIe siècle et c'est en 1662 qu'un édit oblige chaque grande ville française à avoir un hôpital général. Ça nous ramène à Michel Foucault, à ce qu'il appelle le grand enfermement, mais c'est déjà une toute autre question. Merci beaucoup Anissa, nous nous retrouvons demain. À demain, c'était Franck Ferrand.